Chapitre 28e. Monsieur de la Branche pouvait maintenant raconter sa négociation à Adolphe. Cependant, il ne le fit point encore. Cette négociation n'avait point en effet marché sur le plan qu'il s'était formé à l'avance. Il s'était laissé entraîner. Les nuances n'avaient point été ménagées. Et son plaidoyer en faveur de la fille pauvre, succédant brusquement à la rupture du mariage avec la fille riche, avait dû surprendre Madame d'Alifard. Si Adolphe venait maintenant demander à sa mère son consentement pour épouser Juliette, la surprise de Madame d'Alifard pourrait très bien se changer en suspicion. Elle était prompte aux soupçons d'ordinaire, et dans les circonstances présentes, il fallait bien peu de choses pour qu'elle crût un accord avec Adolphe. Il n'aurait pas dû intervenir directement, et il aurait mieux fait de rester enfermé dans des généralités en les effleurant légèrement. Par malheur, la passion l'avait emporté sur la prudence. Il en avait été de lui comme des comédiens qui, entrant en scène sous le coup d'une douleur personnelle analogue à celle qu'ils vont représenter, oublient leur rôle, croient à la réalité des sentiments qu'ils expriment et pleurent de vraies larmes. L'art est sacrifié à la nature, et comme ils n'ont plus de direction, c'est le hasard qui les rend exécrables ou sublimes. Avait-il été exécrable, avait-il été sublime, là était la question. Et comme il n'avait pas d'induction pour la résoudre, il trouvait qu'il ne fallait rien brusquer et prendre toutes les précautions pour ne pas éveiller les soupçons de Madame d'Alifard ou, s'ils étaient éveillés, pour les laisser se calmer. Dans le silence de la réflexion, elle pèserait les avantages qu'il y avait pour elle, pour sa jalousie maternelle, pour son besoin d'autorité, pour son orgueil, un mariage avec une femme qu'elle pourrait dominer. Et quand Adolphe ferait sa demande, il aurait plus de chances d'être favorablement écouté que s'il parlait tout de suite. Il se serait fait dans le cœur de la mère un travail mystérieux qui profiterait au projet du fils, et les arguments dont il se servirait pour plaider sa cause auraient d'autant plus de force qu'il se serait déjà présenté à l'esprit de Madame d'Alifard. Il laissa donc Adolphe dans l'attente, et ce fut seulement le dimanche suivant qu'il lui raconta ce qui s'était passé, ce qu'il avait dit et ce qu'il avait fait. « Vous avez vraiment traité cette question de mariage avec M. Houdaille ?» dit Adolphe, fort surpris. « Croyez-vous que j'ai inventé une scène de comédie et que je me suis moqué de votre mère? Il n'y a pas un mot dans mon récit qui ne soit vrai. Et si ma mère s'était rendue aux exigences de M. Houdaille? Eh bien, vous auriez épousé de la branche. Ne vous fâchez pas. Je ne vous exposais à aucun danger. Et s'il y a du mérite à avoir combiné cette affaire, c'est précisément en vous mettant à l'abri de tout risque. Je connaissais les personnages. D'un côté, je savais que M. Houdaille serait entier dans ses exigences, et d'un autre, je savais que votre mère serait absolue dans sa résistance. Les choses ainsi engagées ne pouvaient donc pas aboutir. Maintenant, votre mère est convaincue par expérience, ce qui est la meilleure des preuves, que pour vous marier à une femme riche, elle devra se conformer à certaines formalités dont elle ne veut à aucun prix. C'est vrai cela? Vérité relative. Sans doute on trouverait des pères de famille qui seraient très heureux de nous donner leur fille, malgré l'irrégularité de notre situation, car cette irrégularité est plus apparente que réelle. Si vous restez indivise avec votre mère, cette indivision est composée de bons morceaux. Mais enfin, dans l'espèce, il suffisait que M. Houdaille ne voulût point de cette indivision. Là-dessus, j'ai présenté une règle générale que votre mère me paraît accepter pour le moment. Hâtez-vous de saisir l'occasion aux cheveux. Et maintenant, bonne chance. À vous, mon ami, de faire le reste. Faire le reste. Vous en parlez vraiment bien à votre aise. Faut-il que je me marie pour vous ? La chose en soi n'a rien qui m'effraie. Seulement, c'est ma femme qui ne serait pas contente. Je n'ai pas envie de plaisanter. Vous avez tort. La vie est triste. Si nous n'y introduisons pas un fond de gaieté que nous prenons en nous, elle devient lugubre. Il faut être gai, mon ami, pour soi et pour les autres. La mélancolie engendre tous les crimes, non seulement chez nous, mais encore chez ceux qui nous approchent. Que voulez-vous que fasse une femme dont le mari boit tout en jaune ou en gris? Elle emprunte les lunettes roses ou bleues de son voisin, c'est fatal. N'oubliez pas cette loi, vous qui allez vous marier. Ce mariage n'est pas encore fait. Pas de gaieté, pas de confiance en soi, pas de volonté, et vous voulez chanter les ténors. Vous avez raison, mais que voulez-vous? Ce n'est pas toujours un bonheur de trouver son chemin tracé quand on entre dans la vie. C'est ce qui m'est arrivé. La volonté ne s'est point développée en moi, parce que je n'ai jamais eu besoin de me servir de ma volonté. On voulait pour moi et je me laissais pousser. Il m'était commode de m'épargner l'effort et la fatigue. C'est une habitude qu'on prend facilement, mais qui est dure à perdre. Aujourd'hui, il me faut vouloir et cela m'est pénible. Je me trouve gauche, maladroit, embarrassé, sans initiative comme sans persévérance. Et ce qui aggrave encore ma position, c'est que cette volonté à peine née doit être plus forte que celle qui jusqu'à ce jour m'a dirigé et dominé. Ma mère n'a pas obtenu le résultat qu'elle cherchait. Hé hé, dit le notaire, il me semble au contraire que Madame d'Alifard n'a pas mal travaillé, au moins pour elle, car vous voilà entre ses mains, sans oser vous échapper. J'avoue qu'avant d'entrer en lutte ouverte, j'éprouve un sentiment d'appréhension, sinon d'hésitation. C'est un assaut qu'il me faut livrer maintenant. Et si bien ébranlées que soient les défenses dont ma mère s'enveloppait, elles peuvent encore opposer une résistance invincible. Cela n'est pas probable. Sans doute, Madame d'Alifard a pendant longtemps caressé l'idée de vous faire épouser une dot plutôt qu'une femme. Mais elle pourrait bien avoir changé d'avis. L'expérience des Houdaï l'a touché au vif. Et d'un autre côté, les avantages qu'il y a pour vous, c'est-à-dire pour elle, un mariage avec une jeune fille pauvre, doivent lui apparaître depuis quelques jours sous un aspect qu'elle ne soupçonnait pas. Enfin, si ma mère persiste dans sa résistance, c'est à vous qu'il appartient de savoir ce que vous devez faire. Vous parlez ainsi parce que vous me croyez un homme raisonnable, capable de garder son jugement et son sang-froid dans une lutte. Eh bien, je ne suis pas cet homme-là. Raisonnable, je le suis avant la lutte, quand je pèse le pour et le contre. Dans l'action, je suis un fou furieux. Vous croyez pouvoir me juger parce que vous m'avez vu et connu dans le monde, à un âge et dans des conditions où tout naturellement l'on observe. Si vous m'aviez connu enfant, vous sauriez qu'il y a en moi de la brute et du sauvage. Au collège, j'avais un ami de 2 ans plus vieux que moi. Nous étions inséparables. Après 3 années d'une intimité étroite, mon ami tout à coup s'éloigna de moi pour se lier avec un nouveau qui me remplaça dans son affection. Une querelle s'ensuivit qui devint un duel terrible. Si on ne nous avait pas séparés, j'aurais tué mon ami. J'avais perdu la tête et ne savais pas ce que je faisais. Avoir perdu la tête, ce n'est pas une circonstance atténuante pour des jurés. Enfin, on leur tira de mes mains, à moitié mort, plein de sang, et il en fut malade pendant 2 mois. Vous n'êtes plus un collégien, et votre mère est votre mère. Cela est vrai. Cependant, je redoute les suites d'une discussion. Plus d'une fois déjà, je me suis soumis à la volonté de ma mère. Et si alors j'ai paru avoir la faiblesse d'un mouton, c'est que j'avais peur d'avoir la férocité d'un loup. Cela est arrivé notamment quand j'ai voulu entrer à l'école navale. Je m'étais mis dans la tête d'être marin. Était-ce une fantaisie, un caprice d'enfant? Était-ce une vocation? Les deux, probablement. Quoi qu'il en fût, ma mère ne voulut pas m'exposer aux aventures de la vie maritime. Elle tenait à me garder près d'elle et à m'imposer le commerce, parce que le commerce, c'était elle. Je cédais, mais après une vraie bataille, et si ma mère ne m'avait arrêté, à 2 heures du matin dans l'escalier, je partais pour le Havre où je m'embarquais. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un caprice d'enfant, mais d'une passion profonde. Aujourd'hui, je ne me laisserai plus retenir si je descendais une seule marche de la maison maternelle. Les moutons, eux aussi, sont sujets quelquefois à des accès de courage ou de folie. Et alors, ils ne savent plus ce qu'ils font. Comprenez-vous maintenant mes hésitations et mes réflexions? Très bien. Seulement, je vous avoue qu'elle m'étonne chez un amoureux. Je croyais que le propre de la passion était de supprimer précisément l'hésitation et la réflexion. N'est-il pas singulier que je parle comme un amant, tandis que vous, vous parlez comme un notaire? Je parle en homme qui ne pense pas seulement au présent, mais qui a encore souci de l'avenir. Il ne s'agit plus pour moi maintenant de dire à ma mère « Je voudrais épouser Juliette, mais bien, je veux Juliette pour femme. » Si ma mère me refuse son consentement, je dois passer outre et me marier quand même. » Le notaire secoua la tête. « Vous ne croyez pas que ma mère persiste jusque-là ?» continua Adolphe. « C'est possible. Mais d'un autre côté, il est possible aussi que ce mariage, fait contrairement à sa volonté, l'exaspère contre Juliette. Je ne veux pas que ma femme soit une belle-fille pour ma mère. Je veux qu'elle soit une fille. Ces sentiments de tendresse filiale, je suis certain que Juliette les éprouvera pour ma mère. Mais c'est à condition que celle-ci l'accueillera comme sa fille. » Qu'arrivera-t-il si au contraire elle l'accueille comme une étrangère, comme une ennemie? Quelle serait ma vie entre ma mère et ma femme, guerroyant l'une contre l'autre? Quelle serait la leur? Ai-je le droit, en vertu de mon amour, d'imposer un pareil enfer à ma mère et à Juliette? Tout ce que vous me dites là, interrompit le notaire, est parfaitement raisonné. Seulement, permettez-moi de vous faire observer que c'était avant de devenir amoureux de Mademoiselle Nélis qu'il fallait vous faire ces objections. Vous saviez alors, comme vous savez maintenant, qu'elle était sans fortune. Vous saviez que votre mère serait opposée à un mariage avec elle. Il fallait vous arrêter. Croyez-vous qu'on enraye son cœur comme une voiture et qu'il y a des freins pour les passions que la raison sert ou ne sert pas à volonté? Ce n'est pas librement que j'ai aimé Juliette. Et ce que j'ai pu faire pour remonter la pente dangereuse sur laquelle je glissais, je l'ai fait. Rien n'a pu me retenir. Aujourd'hui, je suis au fond du gouffre. Eh bien, il faut en sortir. Comme le maître d'école, je pourrais vous faire une longue harangue pour vous démontrer que vous avez eu tort. Ah, le petit babouin! Que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. J'aime mieux vous tendre la perche pour vous tirer de votre gouffre. Le mariage manqué avec Mademoiselle Houdaille vous ouvre une porte pour entretenir Madame Dalifard de votre mariage avec Mademoiselle Nélis. Faites-le franchement, en posant la question telle qu'elle doit l'être. Vous aimez Mademoiselle Nélis et vous voulez l'épouser. Vous verrez ce qu'on vous répondra. Je n'ai pas la prétention de prédire l'avenir, mais si je ne suis pas un sot, je crois pouvoir affirmer que cette réponse ne sera pas celle que vous redoutez. En tout cas, essayez. Et si vous ne vous sentez pas la force de reprocher à votre mère d'avoir voulu vous faire épouser Mademoiselle Houdaille, tombez sur moi et arrangez-moi de la bonne façon pour m'être mêlé de ce qui ne me regarde pas. Il ne sera pas mauvais de m'adresser quelques injures. D'avance, je vous les pardonne. »